Chapitre 42e. Seul, seul. Le choc fut terrible. Marguerite tomba dans un état de prostration complète. Sa douleur ne se manifestait ni par des larmes, ni par des sanglots, ni même par des paroles. Elle restait couchée sur le sofa, les yeux fermés, ne parlant jamais que pour répondre lorsqu'on lui parlait, et à voix basse. Mr. Bell était inquiet et embarrassé. Il n'osait la quitter, il n'osait pas non plus lui proposer de venir avec lui à Oxford, comme il en avait d'abord eu l'intention, voyant qu'elle n'était pas en état de supporter la fatigue d'un voyage, sans parler de la triste cérémonie dont elle eût été témoin dans cette ville. Il était assis près du feu, réfléchissant à ce qu'il y avait de mieux à faire. Marguerite était couchée sur le sofa près de lui, immobile et épuisée. Il ne voulut pas même la quitter pour le dîner que Dixon lui avait préparé en bas, et il mangea un morceau dans le salon. Il essaya de faire manger quelque chose à Marguerite, mais il se convainquit bientôt que c'était impossible. Il poussa un profond soupir et, se levant, il suivit Dixon hors de la chambre. « Je ne puis la quitter. Je vais écrire à Oxford pour qu'on fasse les préparatifs. On pourra les faire sans moi. Mrs. Lennox ne peut-elle venir? Je vais lui écrire qu'il est nécessaire qu'elle vienne. Il faut que Marguerite ait quelque amie près d'elle, qui la soigne et qui la console, ne fût-ce que pour qu'elle puisse pleurer une bonne fois. » Dixon pleurait pour deux, mais après avoir essuyé ses yeux et rassuré sa voix, elle expliqua à Mr. Bell que Miss Lennox était trop près du terme de sa grossesse pour pouvoir entreprendre un voyage. « Eh bien alors, je vais écrire à Mrs. Shaw. Elle est de retour en Angleterre, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, mais je ne crois pas qu'elle soit disposée à quitter sa fille si près du moment. » « Au diable soit le moment !» s'écria avec impatience Mr. Bell. « Elle n'a pas craint de se trouver à Naples, à Venise, ou dans n'importe quel pays papiste, lorsque sa fille est accouchée à Corfou. Et quel besoin a d'elle cette petite femme heureuse et bien portante en comparaison de cette pauvre créature malade, isolée, désespérée, de cette pauvre Marguerite étendue là, sur ce sofa, comme une statue de pierre sur un tombeau ?»« Je vous dis qu'il faut que Mrs. Shaw vienne. » « Apprêtez-lui une chambre et tout ce qu'il faut pour demain, je me charge de la faire venir. » Mr. Bell écrivit donc une lettre que Mrs. Shaw déclara avec larmes être si parfaitement semblable à celle qu'écrivait le cher général lorsqu'il était sur le point d'avoir une attaque de goutte, qu'elle la conserverait toute sa vie. S'il lui avait donné le choix et qu'il lui parlût d'un refus comme étant possible, elle ne fût peut-être pas partie, quelque sincère que fût d'ailleurs sa sympathie pour Marguerite. Le ton impératif de la lettre était nécessaire pour vaincre l'inertie et l'indécision naturelle à Mrs. Shaw, et pour la décider à se laisser empaqueter par sa femme de chambre, après que celle-ci eût fait préparer les malles. Edith, tout en larmes, criait du haut de l'escalier, tandis que le capitaine conduisait Mrs. Shaw jusqu'à la voiture. « N'oubliez pas, maman, qu'il faut que Marguerite vienne vivre avec nous. Sholto ira à Oxford mercredi. » Vous lui ferez dire par Mr. Bell le jour de votre arrivée ici. Et si vous avez besoin de Sholto, il se rendra d'Oxford à Milton. Surtout, n'oubliez pas, maman, qu'il faut que vous rameniez Marguerite. » Edith rentra dans le salon. Mr. Henry Lennox y était occupé à couper les pages d'une revue. Sans lever la tête, il dit « Si vous craignez que Sholto ne soit absent trop longtemps, Edith, j'espère que vous me permettrez d'aller à Milton. Il n'est décédé autant qu'il sera en mon pouvoir. » « Oh, merci. Je suppose que le vieux Mr. Bell retournera près d'elle et qu'il fera tout ce qui sera nécessaire, bien qu'on ne s'attende pas beaucoup de savoir-faire de la part d'un vieil agrégé de l'université. Chère, bien-aimée Marguerite, ne sera-ce pas gentil de la revoir ici? Vous étiez grands amis, il me semble, autrefois. Croyez-vous ? » dit Henry avec indifférence et affectant de s'intéresser tout particulièrement à un passage de la revue. « Peut-être que non, après tout. » « Au fait, je n'en sais rien. J'étais si occupé de Sholto à cette époque. Mais cela ne tombe-t-il pas bien, puisque mon oncle devait mourir, que ce soit justement maintenant que nous sommes de retour, installés dans la vieille maison et tout prêts à recevoir Marguerite? Pauvre, chère amie, quel changement ce sera pour elle. Je vais acheter de la perse pour sa chambre et la remettre à neuf, afin de l'égayer un peu. » Mrs. Shaw se rendait à Milton, dans le même esprit de bienveillance et d'affection, redoutant par instant la première entrevue et se demandant comment elle se passerait, mais songeant plus souvent au plaisir d'enlever Marguerite le plus tôt possible de cet affreux pays, et de la ramener avec elle dans sa gaie et confortable maison de Harley Street. « Oh ciel !» disait-elle à sa femme de chambre, « regardez ces tuyaux de cheminée, ma pauvre sœur. Je crois qu'il m'eût été impossible de rester à Naples. Si j'avais su comment allaient les choses, je serais venu la chercher ainsi que Marguerite. » Et intérieurement, elle s'avouait qu'elle avait toujours considéré son beau-frère comme un homme un peu faible, mais que jamais il ne lui avait paru aussi faible que maintenant, qu'elle voyait contre quel séjour il avait échangé son joli presbytère de Helstone. Marguerite était toujours dans le même état, pâle, immobile, sans larmes et sans paroles. On lui avait dit que sa tante allait venir, mais elle n'avait exprimé en apprenant cette nouvelle ni peine ni plaisir. Mr. Bell, dont l'appétit était revenu et qui appréciait les efforts faits par Dixon pour le bien traiter, l'engageait vainement à prendre quelque chose. Elle secoua la tête avec la même obstination tranquille que la veille. Elle fut néanmoins la première à entendre s'arrêter la voiture qui amenait Mrs. Shaw du chemin de fer. Ses paupières s'agitèrent, ses lèvres se colorèrent et tremblèrent. Mr. Bell descendit à la rencontre de Mrs. Shaw et, lorsqu'ils remontèrent ensemble, ils trouvèrent Marguerite debout et s'efforçant de surmonter son étourdissement. Lorsqu'elle aperçut sa tante, elle courut se jeter dans ses bras ouverts pour la recevoir, et s'appuyant sur son épaule, elle versa pour la première fois des larmes abondantes. Le sentiment d'une longue et ancienne affection, le souvenir de sa mère, que Mrs. Shaw lui rappelait si fortement, tout concourut à attendrir son cœur et à soulager sa peine. Mr. Bell se glissa hors de la chambre. Il alla dans le cabinet de feu Mr. Hale, où il fit allumer du feu, et il essaya de se distraire par l'examen des livres de son ami. Mais chaque volume lui rappelait quelque tendre souvenir. C'était là changer d'occupation, mais non pas de pensée. Il entendit avec plaisir la voix de Mr. Thornton qui venait savoir des nouvelles, et que Dixon congédiait tant soit peu cavalièrement, car la vue de la femme de chambre de Mrs. Shaw lui rappelait son ancienne grandeur, le temps de Lady Beresford, la haute position dont elle considérait sa jeune maîtresse comme déchue, et elle se réjouissait de penser que, grâce à Dieu, Marguerite allait se trouver dans les splendeurs de Harley Street. Toutes ces idées disposaient Dixon à se montrer légèrement impertinente envers tout habitant de Milton, de sorte que, bien qu'habituellement Mr. Thornton lui inspirât un certain respect mêlé de crainte, elle lui répondit, avec autant de brièveté et de sécheresse qu'elle osa lui en montrer, qu'il ne pouvait voir personne de la maison en ce moment. Elle éprouva une certaine vexation lorsqu'en contradiction de ce qu'elle venait de dire, Mr. Bell ouvrit la porte du cabinet et cria « Thornton, est-ce vous ? Entrez, je vous en prie, une minute, j'ai à vous parler. » Mr. Thornton entra donc et Dixon fit retraite dans la cuisine où elle reconquit sa propre estime en faisant une pompeuse description de la voiture à six chevaux de Sir John Beresford alors qu'il était au shérif. « Ce n'est pas que j'ai rien de particulier à vous dire, après tout, » dit Mr. Bell à Mr. Thornton. « Seulement il est si triste de se trouver seul dans une chambre où chaque chose vous parle de votre ami défunt. Cependant, il faut que je laisse le salon à Marguerite et à sa tante. « Est-ce que sa tante est arrivée ?»« Oui, avec une femme de chambre et des paquets à l'infini. Il me semble qu'avec une semblable circonstance, elle aurait bien pu venir seule. » Et maintenant, il faut que je m'en aille à l'hôtel de Clarendon. Vous n'irez pas à l'hôtel. Nous avons 5 ou 6 chambres de libre à la maison. Qui ne sont pas humides. Oh, vous pouvez vous en rapporter à ma mère là-dessus. Alors je vais monter dire bonsoir à cette pauvre Marguerite et saluer sa tante. Puis je suis à vous. Mr. Bell resta quelque temps au salon. Mr. Thornton commençait à trouver le temps long, car il était en ce moment accablé d'affaires et avait eu peine à trouver le temps de venir s'informer des nouvelles de Miss Hale. Lorsqu'ils se furent mis en marche, Mr. Bell dit « J'étais retenu par ces femmes dans le salon. Mrs. Shaw est pressée de retourner chez elle à cause de sa fille, dit-elle, et désire emmener Marguerite sur le champ. Mais celle-ci n'est pas plus en état de voyager que moi de voler. En outre, elle objecte avec raison qu'elle a quelques amis auxquels elle veut dire adieu. » Et là-dessus, sa tante lui parle de l'ancienneté de ses droits à elle, et l'accuse d'avoir oublié ses anciens amis. Alors Marguerite s'est écriée en fondant en larmes qu'elle quitterait de grand cœur un endroit où elle avait tant souffert. « Pour moi, il faut que je reparte demain pour Oxford, et je ne sais de quel côté donner ma voix pour faire pencher la balance. » Il s'arrêta comme s'il eût fait une question, mais il ne reçut aucune réponse de son compagnon, dont la pensée répétait comme un écho un endroit où elle a tant souffert. Hélas, c'était donc là le souvenir qu'il resterait de ces 18 mois passés à Milton, dont la pensée lui était à lui si ineffablement précieuse, dont il chérissait jusqu'aux amertumes elles-mêmes, qui lui semblaient préférables à toutes les douceurs du reste de la vie. Ni la perte d'un père, ni même celle d'une mère, si tendrement que Mr. Thornton aima la sienne, n'eussent pu empoisonner pour lui le souvenir des semaines, des jours, des heures pendant lesquelles une course de 2000, dont chaque pas lui était agréable, puisqu'il le rapprochait d'elle, suffisait pour le faire jouir de sa douce présence. Non, quoi qu'il lui pût advenir en dehors de ses relations avec elle, il n'eût jamais pu lui parler du temps où il la voyait chaque jour, où elle était pour ainsi dire à sa portée, comme d'un temps de souffrance. Ça avait été pour lui un temps de royale jouissance, malgré toutes ses épines et toutes ses peines, comparé surtout au misérable avenir qu'il entrevoyait à cette vie dépourvue de crainte comme d'espérance, qui allait être la sienne après le départ de Marguerite. Mrs. Thornton et Fanny étaient dans la salle à manger, la jeune fille dans toute l'agitation du choix de sa robe de noces. La femme de chambre étalait l'une après l'autre de brillantes étoffes afin qu'on en vît l'effet à la lumière. Mrs. Thornton essayait de bonne foi, mais vainement, de sympathiser avec sa fille. Elle n'avait aucun goût pour cette sorte d'amusement, et elle regrettait que Fanny n'eût pas accepté l'offre qu'il lui avait faite son frère de lui faire envoyer toutes ses robes par une fameuse couturière de Londres. Mr. Thornton était trop heureux que les airs et les grâces de second ordre de Fanny eussent réussi à captiver un homme de sens, pour ne pas donner à sa sœur les moyens de se pourvoir amplement de toutes ses luxueuses parures, qui tenaient au moins autant de place que le mari dans le cœur de Fanny. Lorsque Mr. Bell et son frère entrèrent, Fanny rougit et minauda au sujet de ce qui l'occupait, d'une manière qui n'eût pu manquer d'attirer l'attention de toute autre personne que de Mr. Bell. S'il songea un instant à elle, à ses soieries et à ses satins, ce fut pour la comparer à cette pauvre créature pâle et affligée qu'il venait de voir assise, immobile, la tête baissée et les mains jointes, dans cette chambre sombre et silencieuse, où l'esprit de mort semblait planer encore au-dessus de celle qu'il avait tant aimée. Car lorsque Mr. Bell était monté dans le salon, Mrs. Shaw était endormie sur le sofa et aucun son n'interrompait le silence. Mrs. Thornton accueillit Mr. Bell de la manière la plus hospitalière. Elle n'était jamais plus gracieuse que lorsqu'elle recevait les amis de son fils. Et plus leur arrivée était inattendue, plus elle triomphait dans la bonne tenue habituelle de sa maison et dans ses talents de ménagère. « Comment va, Miss Hale ? » dit-elle. « Elle est aussi brisée que possible par ce dernier coup. » « Il est bien heureux pour elle d'avoir un ami tel que vous. »« Je regrette de n'être pas son seul ami, madame. Ce que je dis là paraît brutal, mais c'est que je viens d'être renvoyé de mon poste de consolateur par une belle dame qui est sa tante. » Et puis elle a des cousins à Londres qui la réclament comme s'il s'agissait d'un petit chien qui leur appartint. Et elle est trop faible et trop affligée pour avoir une volonté. « Je crois en vérité qu'elle est bien faible, » dit Mrs. Thornton, d'un ton dont son fils seul saisit l'intention. « Mais, » continua-t-elle, « où étaient donc tous ses parents pendant tout le temps que Miss Hale a été ici, presque abandonnée et dans de grands chagrins ?» Mais elle ne s'intéressait pas assez à la réponse pour l'attendre et elle quitta la chambre pour faire préparer le lit de Mr. Bell. « Ils étaient sur le continent, » dit néanmoins celui-ci. « Ils ont bien quelques droits sur elle, il faut l'avouer. Sa tante l'a élevée et sa cousine et elle ont vécu comme deux sœurs. Ce qui me vexe, voyez-vous, c'est que j'aurais voulu en faire ma fille et je suis jaloux de ces gens qui ne me paraissent pas apprécier suffisamment leurs privilèges. Si Frédéric la demandait, ce serait différent. » « Frédéric ? » s'écria Mr. Thornton. « Qui est-il ? De quel droit ?» Il s'arrêta court au milieu de ces véhémentes questions. « Frédéric ? » répéta Mr. Bell étonné. « Comment vous n'en avez pas entendu parler ? Son frère ?»« Je n'ai jamais entendu seulement prononcer son nom. Qui est-il ? Où est-il ? Je croyais vous en avoir parlé lorsqu'ils sont arrivés à Milton. C'est le fils qui a pris part à cette sédition. Vous ne m'en avez jamais rien dit ? Où demeure-t-il ? En Espagne. » Il est exposé à être arrêté dès qu'il mettra le pied en Angleterre, pauvre garçon. Il aura du chagrin de ne pouvoir assister à l'enterrement de son père. Il faut que nous nous contentions du capitaine Lennox, car je ne leur connais aucun parent qu'on puisse mander. J'espère que vous me permettrez d'y aller. Certainement, avec reconnaissance. Vous êtes un brave garçon, après tout, Thornton, et il vous aimait bien. Il me parlait de vous, il n'y a que quelques jours, à Oxford même. Il regrettait de vous avoir vu si peu dans ces derniers temps. Je vous sais gré de lui donner ce témoignage de respect. Mais dites-moi, ce Frédéric n'y vient-il jamais en Angleterre? Jamais. Il n'est pas venu ici à l'époque de la mort de Mrs. Hale? Non, j'étais à Milton à cette époque, il me semble. Non, ce ne fut que quelque temps après que j'y vins. Mais le pauvre Frédéric Hale n'y est pas venu du tout. Qu'est-ce qui a pu vous faire penser qu'il y était? J'ai vu une fois Miss Hale se promenant avec un jeune homme, et il me semble que c'est vers cette époque. Oh, c'était sans doute le jeune Lennox, le frère du capitaine. Il est homme de loi, ils étaient en correspondance assez fréquente avec lui, et je me souviens que Mr. Hale m'a dit une fois qu'il viendrait probablement à Milton. Savez-vous, dit Mr. Bell, rapprochant son fauteuil et fermant un œil, sans doute pour doubler les forces de l'autre, tandis qu'il examinait la physionomie de Mr. Thornton, savez-vous que je m'étais imaginé que vous aviez quelque tendresse pour Marguerite? Pas de réponse, aucun changement de physionomie. Et ce pauvre Hale aussi? Non, pas d'abord, il est vrai. Ce ne fut qu'après que je l'eus mis en tête. J'admire, Miss Hale. Il est impossible de faire autrement. C'est une belle créature, dit Mr. Thornton, poussé dans ses derniers retranchements par les questions persistantes de Mr. Bell. Quoi? C'est là tout? Vous parlez d'elle simplement comme d'une belle créature, de quelque chose propre à flatter la vue. J'espérais que vous étiez capable de lui faire l'hommage de votre cœur. Et bien que je crois, que je sache même qu'elle l'eût repoussé. Malgré tout, il eût mieux valu pour vous l'aimer sans espoir de retour que de ressembler à ceux, quels qu'ils soient, qui ont pu la connaître sans l'aimer. Une belle créature. En vérité, vous parlez d'elle comme vous feriez d'un cheval ou d'un chien. Les yeux de Mr. Thornton brillaient comme des charbons ardents. Monsieur Bell, dit-il, avant de parler, vous devriez vous rappeler que tous ne sont pas aussi libres que vous d'exprimer ce qu'ils pensent. Parlons d'autre chose. Car bien que son cœur eût bondi comme un coursier à l'appel de la trompette, à chaque mot qu'avait prononcé Mr. Bell, et que le vieil agrégé d'Oxford, en parlant comme il l'avait fait, se fût acquis à tout jamais son souvenir et son affection, cependant il ne voulait pas être contraint à exprimer ce qu'il sentait pour Marguerite. Il tourna donc la conversation sur les affaires qu'il avait en commun avec Mr. Bell, son propriétaire. Pourquoi faire sans ces briques que nous avons vues dans la cour? Lui demanda Mr. Bell. Y a-t-il besoin de quelques réparations? Non, merci. Est-ce que vous bâtissez à vos frais? Je vous serais vraiment fort obligé. Je fais bâtir une salle à manger pour les hommes, les ouvriers, je veux dire. Je pensais que vous étiez bien difficile, si celle-ci ne vous suffisait pas. À vous, surtout, qui êtes garçon. J'ai fait connaissance avec un homme assez bizarre et je paye les mois d'école d'un ou deux enfants auxquels il s'intéresse. Un jour que je passais devant sa maison, j'y entrai pour un paiement de peu d'importance et je vis sur la table un dîner si misérable que cela me fit réfléchir. Mais ce ne fut que lorsque les vivres devinrent si chers cet hiver que j'en vins à penser qu'en achetant les provisions en gros et en les accommodant par grande quantité, les ouvriers seraient mieux nourris et à meilleur marché. J'en parlais donc à mon ami ou à mon ennemi, l'homme que je mentionnais tout à l'heure, et il trouva à redire à chaque détail de mon plan. En conséquence, je l'avais abandonné d'abord comme impraticable et ensuite, parce que le mettre forcément à exécution eût été attenté à l'indépendance de mes ouvriers, lorsque tout à coup, Higgins vint me trouver. Il me signifia gracieusement l'approbation qu'il voulait bien accorder à un plan si semblable au mien, que j'aurais pu légitimement me l'attribuer. Ce plan avait également la sanction de plusieurs autres ouvriers auxquels Higgins avait parlé. Je conçus un peu d'humeur, je l'avoue, de cette manière d'agir, et je fus tenté de refuser de me mêler de l'affaire. Mais je réfléchis qu'il y aurait de l'enfantillage à repousser un plan qui m'avait d'abord paru sage et opportun, par cela seul qu'on ne me laissait pas l'honneur de l'avoir inventé, de sorte que j'acceptais tranquillement le rôle qui m'avait été assigné. C'est à peu près celui du gérant d'un club. Je suis chargé d'acheter les provisions en gros et de procurer à l'association une cuisinière convenable. J'espère qu'ils sont contents de vous. Êtes-vous bon juge des pommes de terre et des oignons, au moins? Mais je suppose que Mrs. Thornton préside à vos emplettes. Pas le moins du monde. Elle désapprouve la chose d'un bout à l'autre, et jamais nous n'en parlons ensemble. Mais je m'en tire assez bien. Je fais venir les provisions de Liverpool par grande quantité, et mon boucher me fournit la viande. Je puis vous assurer que les dîners que confectionne notre cuisinière ne sont pas à dédaigner. Goûtez-vous chaque plat avant qu'on le serve, en vertu de vos fonctions. J'espère que vous avez une baguette blanche. Je me suis d'abord scrupuleusement borné à l'achat des provisions, et même en cela j'obéissais plutôt aux ordres des ouvriers, qui m'étaient transmis par la cuisinière qu'à mon propre jugement. Quelquefois le bœuf était trop gras, d'autres fois le mouton ne l'était pas assez. Je crois qu'ils remarquèrent combien j'étais soigneux de ne pas leur imposer mes idées et de les laisser complètement libres, et un jour, deux ou trois d'entre eux, parmi lesquels mon ami Higgins, me demandèrent si je ne voudrais pas entrer prendre une portion. J'étais fort pressé ce jour-là, mais je vis qu'après avoir fait cette avance, les ouvriers seraient blessés si je refusais, de sorte que j'entrai dans la salle commune, et je n'ai jamais de ma vie fait un meilleur dîner. Je leur dis, à mes voisins, s'entend, car je ne fais jamais de discours, combien j'étais satisfait, et pendant quelque temps, toutes les fois que revenait le même menu, j'étais sûr de voir arriver quelques hommes qui me disaient « Patron, nous avons à Hochepot aujourd'hui, ne viendrez-vous pas ?» S'ils ne me l'avaient pas demandé, je n'aurais pas plus songé à entrer chez eux qu'aller à la messe des officiers sans y être invité. Il me semble que vous deviez imposer une certaine contrainte à leur conversation. Ils ne pouvaient dire du mal des patrons pendant que vous étiez là, mais ils gardent sans doute cela pour les jours où il n'y a pas de Hochepot. Jusqu'ici, nous avons évité toutes les questions irritantes, mais si les vieilles querelles venaient à se renouveler, je dirais certainement ce que je pense le prochain jour de Hochepot. Mais vous ne connaissez guère nos gens du Darkshire, bien que vous soyez vous-même du pays. Ils ont le sentiment de la plaisanterie à un haut degré, et ils s'expriment avec beaucoup d'originalité. Je commence à connaître quelques-uns d'entre eux maintenant, et ils parlent très librement devant moi. Il n'y a rien de tel que de manger ensemble pour amener l'égalité. La mort n'est rien en comparaison. Le philosophe meurt sentencieusement, le pharisien avec ostentation, celui qui est simple de cœur avec humilité, le pauvre idiot aveuglément comme l'oiseau qui tombe à terre. Mais le philosophe et l'idiot, le publicain et le pharisien, tous mangent de la même manière, étant donné une digestion également bonne. Je vous rends théorie pour théorie. Mais en vérité, je n'ai pas de théorie, je hais les théories. Je vous demande pardon alors. Voulez-vous accepter, comme marque de repentir, un billet de 10 livres sterling pour régaler ces pauvres diables? Merci, mais j'aime mieux ne pas le faire. Ils me payent un loyer pour le four et pour la cuisine qui sont derrière la manufacture, et ils auront à payer davantage pour la nouvelle salle à manger. Je ne veux pas de charité ni de donation. Une fois ce principe admis, j'aurai un tas de gens qui examineraient, qui bavarderaient et qui gâteraient la simplicité de la chose. On causera toujours de ce qui est nouveau, vous ne pouvez empêcher cela. Mes ennemis, si j'en ai, peuvent faire de l'embarras philanthropique à propos de ces dîners. Mais vous êtes mon ami, et j'espère que vous voudrez bien faire à mon expérience l'hommage de votre silence. C'est encore un balai neuf, et tout va bien. Mais avec le temps, il est probable que nous rencontrerons plus d'une pierre d'achoppement.